Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un mythe de la télé, 5 colonnes à la une. Le 8 janvier 1959, Charles de Gaulle devient le premier président de la 5e République. Le lendemain, c'est la naissance de ce magazine d'actualité télévisée qui va propulser le petit écran dans la modernité. 5 colonnes, c'est de l'info, du spectacle, de belles images, des stars, des inconnus, du sport, de la politique, du fait divers et de la culture. C'est un magazine qui ne laisse personne indifférent. C'est aussi une histoire d'homme où l'on retrouve un célèbre patron de presse, deux intellectuels, un réalisateur de talent, une super assistante et toute une équipe de grands reporters. C'est l'histoire d'une alchimie qui va durer presque 10 ans, avec un seul objectif, captiver, transporter, émouvoir, informer les téléspectateurs. Un vendredi par mois donc, les Français suivent les nouvelles aventures de 5 colonnes à la manière d'un feuilleton. Année après année, les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux, on les compte en millions. Retour donc sur cette émission légendaire qui a su se créer un espace de liberté au sein d'une télé pourtant contrôlée et surveillée de près par l'État gaulliste. Notre invité aujourd'hui, Hervé Brousigny, journaliste et aujourd'hui directeur de l'info numérique chez France Télévisions. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ce vendredi 9 janvier 1959, à 20h30, les Français s'installent devant leur poste de télé pour découvrir une nouvelle émission, 5 colonnes à la une. Pour sa première, le magazine d'information s'ouvre par un reportage sur un sujet qui concerne tout le monde, mais dont la télé ne parle jamais, la guerre d'Algérie. Ou plutôt, elle parle des événements d'Algérie, comme le répète inlassablement le gouvernement depuis plus de 4 ans. En métropole, tout le monde a un fils, un frère, un neveu ou un cousin parti se battre en Algérie. En 1959, les appelés du contingent sont plusieurs centaines de milliers. Et 5 colonnes à la une décident d'en suivre un, le sergent Charlie Robert. Avoir 20 ans dans les Aurès, on découvre alors et pour la première fois le quotidien d'un appelé en Algérie. Mais le magazine d'information va beaucoup plus loin. Pour incarner encore plus le sujet, la rédaction a décidé de mettre en place un dispositif où l'on filme les réactions de la famille du sergent Robert. Ainsi, et pour la première fois, la guerre d'Algérie fait son entrée dans le salon des Français. Madame Robert, merci de nous avoir reçus. Je ne présente pas non plus Monsieur Robert, nous l'avons vu. Eh bien, vous allez donc voir, grâce aux envoyés spéciaux de 5 colonnes à la une, le document tourné il y a 48 heures en Algérie. Alors, si vous êtes prêts, Paris, à vous. Eh bien, Madame Robert, Monsieur Robert, à partir de cet instant, c'est à vous que nous allons nous adresser. Regardez bien ces vues, elles ont été prises avec votre fils il n'y a pas 48 heures en Algérie. Et j'ai en ce moment à côté de moi le lieutenant Philippe Éduy qui appartient au même bataillon que votre fils et qui est arrivé la nuit dernière tout exprès de Sétif pour faire vivre à votre intention ces images que vous n'avez sans doute jamais vues et auxquelles pourtant vous avez dû si souvent songer. Le sergent Robert joue au foot avec les enfants musulmans, le sergent Robert part au combat, le sergent Robert se rase, toute la journée type du soldat est ainsi déclinée. Pour les Français qui regardent ces séquences, c'est à la fois une découverte et aussi un réconfort. En quelques minutes en effet, ils comprennent et visualisent ce que les appelés vivent réellement en Algérie. Ah, évidemment, ils ne savent pas que se cachent derrière ce reportage quelques ficelles de mise en scène, mais qu'importe. Pour la première fois, on propose un reportage à la fois pédagogique et émouvant. Et voici Robert qui entre. Il donne un coup de sécurité à son pistolet mitrailleur. Il trouve une lettre sur son lit. Eh bien, ce sont les dernières heures de la journée du sergent Robert et elles sont les mêmes pour tous les gars de toutes les compagnies. C'est l'heure la plus agréable, celle où on se laisse tomber sur son lit fatigué et où l'on trouve le courrier de la journée. Peut-être est-ce une lettre de vous, Madame Robert, qui attendait ce soir-là votre fils? Que lui disiez-vous? Eh bien, vous avez entendu la question de Pierre Desgroupes, Madame Robert. Que lui écriviez-vous à Charlie? La fois, on lui racontait ce qui se passait dans la famille. Oui, les nouvelles de tout le monde. Les nouvelles de toute la famille, du travail, ma foi, de la ferme. Monsieur Robert, je vous ai vu sourire, je vous ai vu écraser une larme comme maintenant. Eh oui, les parents versent une petite larme. Et le journaliste rend l'antenne à vous Paris. L'émission se poursuit avec un reportage sur un concours de hula hoop en Californie. Mais oui, c'est ça l'esprit Saint-Colonne, passé de la guerre d'Algérie au hula hoop, d'un film de famille sur Brigitte Bardot, enfant, au portrait du Premier ministre Michel Debré, d'un sujet sur le musée de l'Acropole, à un triplex entre trois usines, Renault à Maison-Alfort, Fiat à Turin et Volkswagen à Wolfsburg, un éclectisme qui fera école jusqu'à aujourd'hui. Saint-Colonne, c'est aussi une chanson inédite d'Yves Montand, une visite des petits-enfants du général de Gaulle. Rien que ça. Le programme est vertigineux. Saint-Colonne décroche même une allocution du pape Jean XXIII aux Français. Prévue pour durer une heure et demie, l'émission dure plus de deux heures. On est obligé de raccourcir des interviews, on renonce à diffuser certains sujets, c'est la rançon du succès. Deux jours plus tard, le quotidien Le Monde écrit « Il ne fait pas de doute que Saint-Colonne est une formule neuve qui fait éclater les cadres un peu étriqués des émissions ronronnantes que nous connaissons. » Oui, Saint-Colonne est une révolution dans le paysage cathodique de l'époque. Une révolution à jamais associée à un générique qui fera vibrer des millions de téléspectateurs un vendredi par mois donc, pendant près de 10 ans. Ces soirs-là, l'affluence des cinémas et des théâtres est en chute libre, car le spectacle, il est devant le poste de télévision. Pierre Lazareff, Pierre Desgros, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une. À l'écran, en noir et blanc, on découvre successivement 4 hommes en costume cravate. Pipe à la bouche, stylo à la main ou téléphone à l'oreille, chaque personnage a le droit à son plan de présentation. Ce sont les papas, comme on les appelle à l'époque. 5 colonnes à la une, c'est eux. Imaginé par Frédéric Rossif, réalisateur à la RTF, mythique créateur des documentaires La vie des animaux et du procès de Nuremberg, le projet 5 colonnes séduit immédiatement Jean Darcy, le directeur des programmes de la seule et unique chaîne de télé française. Il en est persuadé, le début de la 5ème République, c'est l'occasion idéale pour lancer un magazine d'actualité. Alors, en quelques mois, Jean Darcy met une équipe en place. Tout d'abord, il fait appel à l'un des journalistes les plus influents de ce pays, Pierre Lazareff. En 1959, la majorité des Français s'informe par la presse écrite. La radio et la télé n'ont pas encore supplanté le papier. Et le papier, en cette fin des années 50, c'est Pierrot Bretelle qui en est maître. Avec François, Pierre Lazareff peut se targuer de vendre plus d'un million d'exemplaires tous les jours. Ce petit homme sec, nerveux et sympathique accueille chez lui chaque week-end le tout Paris avec sa femme, Hélène. Politique, sportif, star de la chanson et du cinéma, tout le monde défile chez les Lazareff. Homme de réseau, mais avant tout, homme de flair. Avec François, il a concocté une formule de journal susceptible d'intéresser tout le monde, du ministre jusqu'à l'ouvrier. Grand reportage signé par des plumes comme Joseph Kessel, excusez du peu, scoop à l'appel, photo impressionnante, reportage de guerre et rubrique People avec les potins de la commère. François, c'est tout cela. Et c'est 8 éditions par jour. Impressionnant. Pierre Lazareff s'explique en 1968 sur sa vision du journalisme au micro de France Inter. Le journalisme, c'est une simple équation. Voir, savoir, faire savoir. Et cette formule, exprimer les idées à travers les faits et les faits à travers les hommes, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le journalisme écrit, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le journalisme radiophonique, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le journalisme télévisé. En 1959, Lazareff ne produit pas d'émissions télé, seulement quelques émissions de radio, RTL, Europe 1. Alors, le grand patron de presse s'associe à deux figures du petit écran, Pierre Desgros et Pierre Dumayet. Tous deux diplômés de philo, le duo d'un tello produit et anime depuis plusieurs années une émission littéraire intitulée « Lecture pour tous » et une autre consacrée aux grandes affaires judiciaires « En votre âme et conscience ». Dans ce monde d'hommes, une femme se fait quand même une place. Éliane Victor, l'épouse de l'explorateur polaire Paul-Émile Victor. Au fil des émissions, elle se rend indispensable et devient une super assistante. C'est elle qui représente Pierre Lazareff quand il n'est pas là. Sur France Culture, elle se souvient de cette époque. Pierre Lazareff était omnipuissant à ce moment-là et il avait des correspondants pour François dans le monde entier. Et que des gens comme Desgroupes et Dumayet, qui sont de remarquables journalistes, c'est plus que ça d'ailleurs, ils ajoutaient une vraie culture, ce qui est extrêmement rare maintenant, une vraie culture sur tous les plans, politique, artistique, littéraire surtout. Voilà pour les trois Pierre. Le quatrième homme s'appelle Igor Barrère. C'est sûrement le profil le plus atypique de la bande. À la fois médecin et réalisateur, il a notamment été l'assistant de René Clair et d'Orson Welles. Dans le document qui va suivre, il revient sur la création de 5 colonnes au micro de France Culture. Jean Darcy nous a dit, voilà, dans 3 mois, je voudrais une émission d'information indépendante, nouvelle, qui s'inscrit quelque part contre l'information télévisée de l'époque, qui était complètement dominée par le pouvoir de l'époque. Je vous rappelle que le journal télévisé à cette époque était fait en conférence de rédaction au ministère de l'Information. 5 colonnes, avec l'appui de Pierre Lazareff, et je dirais presque le paravent que Pierre Lazareff représentait, devait être un îlot d'indépendance et a été en fait la première manifestation d'une information libre sur les antennes de télévision. Voilà, les présentations sont faites. Les trois Pierres donc, Lazareff, Desgroupes et Dumayet, et puis Igor Barrère, et puis Eliane Victor. Maintenant, place à la méthode. L'une des innovations majeures du magazine, c'est d'associer un réalisateur et un journaliste. Un duo, pour assurer une qualité optimale. D'un côté, un vrai souci d'image et de la mise en scène. De l'autre, la figure du grand reporter avec un seul mot d'ordre. Le terrain et rien que le terrain. Alors, partout dans le monde, les équipes de 5 colonnes vont aller à la rencontre des grands et des petits de ce monde. Ils vont offrir aux téléspectateurs français une fenêtre sur le monde. En 1963, François Mauriac, prix Nobel de littérature et téléspectateur assidu de 5 colonnes à la une, commente le dernier épisode diffusé. Ce soir, écrit-il, il nous reste dans l'esprit une vision synthétique de l'histoire en train de se faire. Les images ne se superposent pas, ne se juxtaposent pas, non, elles composent sous nos yeux une trame vivante. Et il poursuit. Pourquoi m'attarder sur cette image-là plutôt qu'au roi du Maroc, plutôt qu'à l'armée du salut, plutôt qu'aux maisons de jeu de Las Vegas, aux foules mexicaines, à l'hallucinante évocation d'Anastasia, qui peut être la fille du tsar? L'inoubliable. Non, l'inoubliable, c'est cette autre femme qui nous parle. Elle a passé 17 ans dans les camps russes. Voilà, tout l'esprit de 5 colonnes est là, dans ce voyage permanent qui emporte le téléspectateur, qu'il soit prix Nobel ou paysan. La planète est un immense terrain de jeu pour les reporters. Pierre Lazareff affirme d'ailleurs qu'en seulement 3 ans, l'émission a parcouru le monde de l'Ambator à la Terre de Feu et du Canada au Cap de Bonne-Espérance. Eliane Victor, elle, la super assistante, gère la 30aine de personnes en mission à l'étranger. Par curiosité, elle a calculé le nombre de kilomètres parcourus par les équipes de 5 colonnes pour la conception d'un seul épisode, 72 000 kilomètres, presque 2 fois le tour de la Terre. Précisons tout de même qu'Air France est partenaire de l'émission. Les billets sont gratuits, bah, ça aide un peu. Ce que nous vous proposons aujourd'hui dans Affaires Sensibles, ce n'est pas le récit chronologique de l'histoire de 5 colonnes à la une, mais plutôt un voyage dans l'espace et dans le temps. À la manière de, oui, de 5 colonnes, justement, passons-nous aussi du sport à la politique, de la guerre à la chanson, de l'aventure aux questions de société, en somme, une balade dans les années 60. Février 1964, le duo de reporters Philippe Labro et William Klein s'installe à Miami pour suivre l'un des combats de boxe les plus attendus de l'année, le championnat du monde des poids lourds. Il oppose 2 noirs américains, Sonny Liston et Cassius Clay. Liston est archi-favori, on chante à sa gloire et on invente même le Liston Twist. Cassius Clay, lui, est soutenu par un groupe d'origine industrielle blanc. Oui, ils misent tous sur ce petit fils d'esclave pour nettoyer le monde de la boxe gangrénée par la pègre, selon eux. Mais dans les rues de la ville, personne ne semble croire aux chances de ce jeune Cassius Clay qui se distingue par ses nombreuses fanfaronnades et provocations. Ça fait rire les enfants, mais pour un adulte croisé dans la rue par le reporter, le constat est sans appel. Oh là là, il cause, c'est tout ce qu'il sait faire, causer. La veille du match, le boxeur, allongé sur une table de massage, se met à rêver tout haut devant les caméras de 5 colonnes. Quand je serai champion, disait-il, je construirai de grandes maisons pour $1 million. Les gens qui y vivront seront jeunes et beaux. Quand je serai champion, tout le monde gagnera de l'argent avec moi, grâce à moi, même les marchands de cacahuètes. Ah, je suis un beau combattant. Je suis quelque chose, j'apporte du nouveau dans le monde de la boxe. Les reporters ont vraiment quelque chose à écrire pour une fois. Je serai le plus grand de tous les temps. Ce sport est le plus grand sport du monde et je participe à ce grand événement. Il n'y a rien de plus grand que moi. Le lendemain, la surprise générale, Cassius Clay gagne le match et devient champion du monde. En conférence de presse, le boxeur s'érige en fervent défenseur de la cause des droits américains au grand dam de ses mécènes blancs. Quelques mois plus tard, il rejoint la Nation of Islam et change de nom. On l'appellera désormais Mohamed Ali, the greatest, le plus grand de tous les temps, comme il l'avait prédit lui-même. Après Cassius Clay, le magazine d'actualité propose, en ce mois de mars 64, le portrait d'un champion d'autopromotion, un autre, un grand nom de ce monde tout de même, Fidel Castro. On le connaît pour sa barbe, ses discours et sa révolution. Mais Pierre Desgroupes prévient les téléspectateurs, le reportage qui vient ne ressemble à aucun de ceux que vous avez vus jusque-là. Il s'ouvre sur des femmes qui dansent au rythme du cha-cha-cha. S'ensuit un défilé militaire. Fidel Castro regarde ses troupes, béret sur la tête, martial et grave. Content de lui aussi, son idole, c'est lui-même. Il harangue ensuite la foule avec quelques envolées anticapitalistes. Mais très vite, on entre dans l'intimité de Fidel. On le voit se reposer sur un lit, faire du sport dans un gymnase. Et soudain, on le voit discuter avec des amis, oubliant peut-être la caméra. Il livre alors l'un des secrets les mieux gardés, mieux encore que l'endroit où étaient installées les fameuses fusées de Cuba 2 ans plus tôt. À quelques amis, il donne sa recette personnelle des pâtes à l'italienne. On peut mettre des œufs dans la farine. Ensuite, persil, farine, œufs. On mélange, on écrase avec le rouleau. Ensuite, la sauce à base de viande. Avec huile, oignon, ail, tomate. Crème béchamel jusqu'à 5 étages. Une demi-heure au four à température adéquate. J'ai oublié quelque chose. Sur la crème béchamel, du fromage. Voilà, c'est ça le régime castriste. Parmigiano. Mais tout de même. Après ces séquences accrocheuses, il y a une interview très sérieuse, bien sûr, où Fidel exprime sa vision du monde et son opinion sur le général de Gaulle. C'est ça, 5 colonnes. De l'ambiance, du voyage, des sourires, mais de l'info avant tout. Good evening, my fellow Americans. Tonight I want to talk to you on a subject of deep concern to the war in Vietnam. L'info en ces années 60, c'est l'assassinat de Kennedy, c'est le discours de Martin Luther King, la construction du mur de Berlin, l'histoire en marche, quoi. À chaque fois, 5 colonnes sur place. L'un des grands événements qui vont traverser la décennie, c'est la guerre du Vietnam. De nombreux reportages seront faits par la télévision, mais le plus célèbre et le plus reconnu reste la section Anderson de Pierre Schoendorfer. Pendant 6 semaines, les reporters de 5 colonnes à la une suivent le quotidien de cette section commandée par un jeune lieutenant noir. Il est diffusé pour la première fois le 3 février 1967 et c'est Pierre Desgroupes qui présente le film aux Français. Je voudrais encore vous dire qu'à mes yeux, et sans doute aux yeux des Américains, ce qui fait le tragique propre à l'actualité de la section Anderson, c'est ceci. C'est que le chef de section, le lieutenant Anderson, qui lui donne son nom, est un noir. Et ainsi, en voyant ce film, il est probable que l'Amérique s'est vue soudain tout entière prise entre ces deux cauchemars. Et le jury américain de l'Oscar, qui fait preuve depuis des années de beaucoup de courage civique, ne s'y est pas trompé. Alors nous sommes heureux si, grâce au talent de Pierre Schoendorfer, nous y avons été un peu pour quelque chose. Et maintenant, Regardez la section Anderson. Le document que vous allez voir n'est pas le livre blanc. La chaîne américaine CBS rachète les droits du film et la section Anderson remporte l'Oscar du meilleur film documentaire en 1968. Un succès et une reconnaissance mondiale pour Cinq colonnes à la une. Et des soldats du Vietnam, en passant peut-être par le légionnaire, voici Edith Piaf. Nous sommes en 1960, la chanteuse traverse une période douloureuse. Amoindrie physiquement par la maladie et plusieurs opérations, elle ne chante plus. Le 5 octobre, le compositeur Charles Dumont vient lui proposer une chanson. Conquise par la musique et les paroles, elle dira « Cette chanson m'a ressuscité ». Elle s'appelle « Je ne regrette rien ». Et c'est pour les téléspectateurs de 5 colonnes à la une qu'elle la chante pour la toute première fois. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Le lendemain de la diffusion de la chanson dans l'émission, tous les disquaires se l'arrachent. Le stock est épuisé en deux jours et la carrière de Piaf est relancée. Oui, 5 colonnes, c'est aussi du spectacle. Un vendredi par mois, les Français s'installent devant leur poste pour en prendre plein la vue. Le 3 novembre 1961, ils découvrent l'idée un peu folle qui a traversé l'esprit de la rédaction, installer une caméra et un micro sur des hommes qui vont effectuer une chute libre de 6000 mètres. Nous sommes dans l'avion, altitude 6000 mètres. Suir et Chassac sentent leurs mâchoires un peu serrées. Dans quelques secondes maintenant, avec eux, vous aussi vous allez sauter. En direct, la caméra de Suir prendra le relais de notre opérateur. Attention, Chassac compte. 3, 2, 1, 0. Le parachutiste Suir passe sur l'aile actuellement. À mon tour, je passe sur l'aile. 1, 2, 3, sautons. Nous avons sauté. Le sort actuellement en chute libre. Nous sommes actuellement en chute libre. Le son n'est pas excellent, mais la séquence est exceptionnelle pour l'époque. À chaque nouveau numéro, les papas, autrement dit Lazarev des groupes Dumay et Barrère, s'évertuent à concocter le programme parfait. Leurs 5 colonnes ont un rang à tenir. L'émission, qui dure entre 1h30 et 2h, propose à chaque fois une dizaine de sujets, interviews ou chansons. En reprenant le modèle de François, Pierre Lazarev cherche à intéresser un public large. Répétons-le, c'est le cœur de sa ligne éditoriale. Faits divers, cinéma, géopolitique, science, sport, économie, le magazine est complet. Oui, mais chaque sujet est disséqué, démembré, remonté. La semaine qui précède la diffusion, ce sont toujours des longs débats qui s'éternisent tard dans la nuit. Parfois, le programme est décidé au dernier moment. Oui, le montage d'un reportage peut même se terminer pendant le début de l'émission et être diffusé à la fin. Cinq colonnes, c'est un travail d'équipe. On y retrouve du débat, des grandes gueules, des engueulades, mais toujours sur la forme et sur le fond du reportage, parce que les conditions de travail, elles sont excellentes. Pierre Lazareff, avec son réseau et son argent, facilite grandement la tâche des reporters. Oui, les moyens sont là, mais l'exigence est maximale. D'autant que les années 60 sont synonymes d'immenses progrès technologiques dans le domaine des caméras et des magnétophones. La miniaturisation des appareils permet aux grands reporters de tout filmer, partout. Pierre Demaillet l'explique au micro de France Culture. Avant 5 colonnes, et même tout à fait au début de 5 colonnes, on avait des magnétophones qui pesaient à peu près 60 kilos. Et il est évident que si vous avez un magnétophone de 60 kilos... vous pouvez difficilement faire la même chose que si vous avez un appareil qui est beaucoup plus raisonnable. Je veux dire qu'on est tombé aussi à une époque où le matériel a fait un saut en avant considérable. Et puis, le journal télévisé, dans son ensemble, n'était pas sorti de l'imitation des actualités de cinéma, si vous voulez. C'est-à-dire que c'était des sujets qui étaient muets. Et nous, on a amené la parole, quoi. On a apporté la parole, c'est aussi ça la révolution. Jusqu'alors, la télé ne proposait que très peu d'images avec du son synchronisé. Cette évolution permet une immersion complète pour le téléspectateur. La parole, ce sont donc les interviews. Et dans ce domaine, Pierre Desgroupes est un maître. Il se permet d'aborder des sujets sensibles, mais toujours avec finesse et avec tact. En 1962, il revient avec Édith Piaf sur la période difficile qu'elle venait de surmonter. Est-ce que vous avez peur de la mort? Est-ce que vous avez eu peur de mourir? Non, j'ai pas peur de la mort. Vous y avez pensé? J'y ai pensé, je l'ai accepté, ça avait dû arriver. Je pense que j'étais prête aussi. L'une de vos chansons que vous avez chantée il y a un an s'appelait « Je ne regrette rien ». Vous l'avez chantée ici à Sainte-Colonne. Oui. C'était une chanson qui a bouleversé les gens parce que on croyait que c'était de vous que vous parliez. Est-ce que c'était de vous que vous parliez? Lorsque vous jugez votre vie, est-ce que vraiment vous ne regrettez rien? Si vous pouvez la refaire... Exactement la même. La même. Vos chansons chantent toujours l'amour. Mais on sait que pour vous, l'amour n'est pas qu'un mot, n'est pas seulement un thème de chanson. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez attendu de l'amour, Édith Piaf? Mais ce qu'il m'a donné. Le merveilleux, le triste, le tragique, l'extraordinaire. Des déceptions aussi? Je n'ai jamais été déçue. Les séquences émotions, c'est cela aussi qui fait le succès de l'émission. Et tant pis pour celles qui honorent beaucoup moins la profession de journaliste, comme cette interview pathétique de Jackie Kennedy qui s'exprime pour ne rien dire, strictement rien, tendance nunuche qui aime son mari parce qu'il est gentil, parce qu'il est beau. En fait, l'épouse du président Kennedy, qui est tout sauf idiote, contrôle sa parole, à tel point qu'elle la vide de sens. C'est volontaire, c'est de l'autocensure, ça la regarde et ça regarde les journalistes de diffuser ou pas. Non, beaucoup plus problématique est la censure, la vraie dont va souffrir cinq colonnes. En voici une illustration. La scène se déroule dans une salle de projection de la rédaction. Les censeurs sont venus visionner le reportage avant diffusion. Michel Honorin, grand reporter, raconte la scène. Ils étaient tous dans le fond de la salle de projection avec un banc lumineux sur lequel ils écrivaient. Comme ce n'était pas possible de mettre, par exemple, « La politique du général de Gaulle est une aberration, nous le mettions quand même ». Alors ils allumaient leur lumière et notaient. Et pendant ce temps, derrière, nous mettions ce que nous voulions garder. Oui, on a mis comme ça 2 à 3 attrape-couillons sur 12 minutes et on passait le reportage tel qu'on le voulait. Et voilà. Mais les petites ruses ne suffisent pas. Parfois, Pierre Lazareff doit faire jouer ses relations, notamment son amitié avec le général de Gaulle. Et quand cela ne fonctionne pas, il n'hésite pas à menacer la direction de la chaîne. Du genre, nous arrêterons du jour au lendemain 5 colonnes à la une si vous continuez, quoi. Mais une chose les protège plutôt bien de la censure. Il n'aborde que très peu les questions de politique intérieure. Et sur l'international, il ne manifeste pas d'opposition farouchement opposée à la ligne gaulliste. Peu de politique intérieure donc, mais depuis sa création, 5 colonnes suit avec intérêt et sans tabou l'évolution du mode de vie des Français. Et des autres d'ailleurs. C'est en fait le meilleur magazine de société de la télé. Tiens, prenons par exemple l'année 61, où une équipe part réaliser un sujet sur la vie du couple. Enfin, le couple en général, vous, moi, tout le monde, les problèmes sexuels, le contrôle des naissances. Ils se rendent dans le premier planning familial de France, à Grenoble, et ils interviewent un homme venu se renseigner. Mais vous en parlez à l'usine, un petit peu. Oui, oui, nous en parlons à l'usine. Si vous voulez, le fait que pas mal de femmes, enfin, et en particulier des avortements, je vois à côté de moi à l'atelier, un camarade a eu sa femme qui est... C'est pas avortement qu'on dit, comment c'est ? Fausse couche ? Fausse couche. Effectivement, ça demande une éducation, enfin, me paraît essentielle. Je vois, par exemple, tel camarade qui boit actuellement, eh bien, c'est parce qu'il n'a plus aucun rapport sexuel avec sa femme. Pourquoi ? Ben parce qu'ils ont 5 enfants et parce qu'ils ne veulent pas en avoir 6. La parole est libre et le reportage se veut pédagogique. D'autres reporters suivent l'installation de jeunes couples dans les HLM nouvellement construits. Une autre équipe recueille la parole des blousons noirs. On consacre de nombreux sujets aux rapatriés d'Algérie. On assiste à une réunion des alcooliques anonymes. On reçoit une héroïnomane sur le plateau de l'émission. Sans tabou tout cela. Mais le reportage le plus audacieux tout de même de 5 colonnes, c'est celui-ci, qui date de 1966. Voilà. Chaque personne traite toute seule. Hélène a éprouvé la première les effets du LSD. Elle a eu chaud, elle a eu froid. Elle a senti sa nuque s'alourdir, ses joues se durcir. Puis elle a commencé à voir le tapis grouillé de serpents, les murs se déformer, les visages se rétrécir autour d'elle. Jean ensuite a vu le plafond couler comme si le plâtre n'était pas pris. Puis il s'est cru au bord de la mer. C'était merveilleux, puis c'était la tempête. 4 heures plus tôt, ils avaient croqué chacun un sucre imbibé de 250 millionièmes de grammes de LSD. Une expérience étonnante, encadrée par des médecins tout de même. On y voit donc Hélène, 24 ans, et Jean, 43 ans, déliré dans un appartement. Quelques jours plus tard, ils sont interviewés pour débriefer leur expérience. Et un neuropsychiatre est ensuite questionné par Pierre Dumayet. En réalité, ce reportage remplit à merveille la devise de Pierre Lazareff. Exprimer les idées à travers les faits et les faits à travers les hommes. Bon, aujourd'hui on a un peu de mal à imaginer un reportage de ce type à une heure de grande écoute. Bien que... Cinq colonnes à la une s'arrête en mai 68, après 10 ans de sa création. Les papas s'abordent l'émission pour protester contre le gouvernement. Cette émission aura accompagné la quasi-totalité des années de Gaulle. Dans le cadre d'une télé largement contrôlée par l'État, 5 colonnes s'est aménagé un îlot de liberté, en grande partie grâce au pouvoir de Pierre Lazareff. Mais 5 colonnes à la une, c'est avant tout une histoire d'alchimie entre des hommes venus d'horizons différents... Une époque de grands bouleversements géopolitiques et sociétaux et une série d'innovations technologiques sans précédent. Au début du magazine, en 1959, la France comptait 1 million de postes de télé. 10 ans plus tard, oh c'est simple, c'est 10 fois plus. 5 colonnes a donc accompagné la croissance du petit écran tout en inventant des formes qui l'ont profondément marqué jusqu'à aujourd'hui. Ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendite. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume et piochant l'évasion d'un rossignol titan capable d'assurer le sacre du printemps. Mais, Paris, mais, Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon gris. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Mais, Paris, mais, Paris. Mais, Paris, mais, Paris. Et je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries. Je dépose l'aurore sur tes tuileries, comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi tes 6 millions de types. Ta vie à ras-le-bol me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeons. Intelligence blanche et grise religion. Paris, mais, Paris. Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, ni man, ni mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant. Fabrice Drouel, Christophe Barrère, Jérôme Boulet et Adrien Mora vous proposent Affaires sensibles. C'était notre séquence mégalo. Bonjour Hervé Brousigny. Salut. Je ne vais pas dévoiler votre âge, qui est loin d'être canonique, mais suffisant pour avoir vu 5 colonnes à la une quand vous étiez gosse, j'imagine. Quel souvenir vous en gardez ? Un souvenir d'émerveillement total. Je ne comprenais rien, j'avais 7-8 ans. Mais j'étais fasciné par Roger Louis en particulier, qui était une des grandes figures du reportage. Du maillet que je ne voyais jamais scier. Le ton incroyable avec cet accent très particulier de Desgroupes en ouverture, c'était pour moi un très grand moment d'émotion et je pense que psychanalytiquement, il s'est passé un choc entre moi et cette image. Et moi, chaque fois que j'ai vu après des hommes fumer la pipe, j'ai toujours considéré qu'ils étaient intelligents. Et c'est à cause de ça que j'ai fumé la pipe, j'ai arrêté, donc je suis devenu moins intelligent. Dis donc, je l'ai dit, bon, tout à fait par hasard. Bref, est-ce que ça, après j'arrête les questions personnelles, ça vous a donné envie d'être journaliste, ça ou c'est autre chose plus tard? Ça m'a donné envie d'ouverture, de découverte, de fuite. Vous savez, moi je suis né à Saint-Quentin dans l'Aisne, et j'étais juste à côté des usines Motobécane. Et le vendredi soir, donc oui, je regardais ça et mes parents s'étaient saignés aux quatre veines pour acheter le poste de télé. Eh bien, je les en remercie et comme disait la chanson, je ne regrette rien. Joli. Hervé Brousigny, pour résumer votre carrière, je devrais commencer par ce que vous n'avez pas fait, ce serait plus simple. Moins long en tout cas. Donc on va prendre quelques éléments, fragments de biographie. Vous avez dirigé le service des infos gênées d'Antenne 2. Vous avez été délégué à l'information de France 3 de 2004 à 2008. Cette même année, vous devenez rédacteur en chef du journal de 20h de France 2, poste que vous occupez jusqu'en 2011. Et vous êtes coloréat du prix Albert Londres pour un reportage sur l'affaire Farwell, affaire sur laquelle on est revenu la semaine dernière d'ailleurs. Alors on a vu que 5 colonnes à la une, c'est une révolution sur le fond et sur la forme. Et on dit qu'on n'avait jamais vu ça à la télévision française. Vous confirmez ? Ou c'est du mythe ? Ou c'est une réalité ? Non, à la télé française, on ne l'avait pas vu. On l'avait vu à la télé américaine avec un personnage extraordinaire qui s'appelle Ed Murrow, ouais, qui avait créé ce magazine qui s'appelle See It Now. Regardez ça maintenant. et qui avait commencé en 51 avec une réalisation technique extraordinaire qui consistait à montrer aux Américains en temps réel la côte Est et la côte Ouest parce qu'on venait de tirer un grand câble. Et Murrow est resté très connu pour son défi fort, puissant, démocratique face à la menace, j'allais dire, de McCarthy, des interviews sans concession à un personnage extraordinaire qui avait commenté la Seconde Guerre depuis un avion, les bombardements incroyables. Et donc l'équipe de Cinq Colonnes, avec un Lazarev qui connaissait très bien les États-Unis, qui avait été responsable là-bas pendant la Seconde Guerre d'une sorte de contre-propagande face aux nazis avec les Américains, était au fait de toutes les innovations. Et il a été très sensible au fait de raccorder, si j'ose dire, la télé à son expérience à lui de François avec le primat de l'image. Vous savez, ils avaient inventé le bélinographe déjà depuis un certain temps. François, c'était aussi la photo presque du moment où, c'est, où l'événement venait de se passer. Et ne laissons pas passer un détail frappant. Cinq colonnes à la une, c'est un truc de presse écrite. Bien sûr. Les cinq colonnes, voilà. D'ailleurs, le premier générique de Cinq colonnes, c'est François sur les rotatives. Et oui. Et avec cette musique extraordinaire d'un musicien de cinéma qui s'appelle Michel Magne. C'était François Sagan qui avait rédigé le texte du ballet, parce que c'est un ballet à l'origine. Panorama, plus tard, a essayé de trouver une musique équivalente. Et je dois dire qu'on la cherche toujours, cette musique, parce que elle est extraordinaire. Il y a de la gravité, de la force. C'est, moi, ça m'emballe. C'est des frissons, quoi. Ça faisait presque peur quand on était gamin. Ah, c'est clair, hein, bien sûr. Ça faisait peur quand on était gamin, donc ça veut dire que la gravité pour les adultes. Quoi. C'était la grosse voix de la télé qui disait « Regarde, tu vas voir ». Bon, l'esprit de Cinq colonnes, bon, c'est notamment ça, c'est le grand reportage à l'étranger, mais aussi en France. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'était un magazine de société, le premier magazine qui allait vraiment scanner la société française, l'âme humaine. Oui, notre mais époque. On la scanne à la façon du grand reportage. C'est-à-dire que quand on fait une interview de quelqu'un, on se balade dans la tête de la personne. Mmh. On le laisse le temps de s'exprimer. Oh, si vous voulez, quand on scanne, on ne va pas à la recherche de l'illustration d'une vérité préétabli et on trouve le bon sonore, comme on dit dans le métier, qui va illustrer ça. Non, là, on va à la découverte. C'est des gens curieux qui découvrent. Et vous savez que Lazarev disait, faut toujours savoir à un moment ou à un autre si ça sent encore le pipi dans l'aéroport d'Athènes. Ça voulait dire, faut aller à la rencontre. Et aller à la rencontre du fait de société, c'était sonder, oui, les reins et les cœurs, mais sans l'idée préconçue de ce qu'on y cherchait. Et avec l'information incarnée, c'est-à-dire c'est à travers un témoin, la voix d'un témoin, son visage, ses mots, le témoin devient, pendant le moment où il est diffusé, la star nationale, alors qu'il n'est pas connu. Non, il n'est pas incarné, connu. C'est donc incarné. C'est incarné parce que ce que je cherche, moi, c'est sa vérité intime. Mmh. La section Anderson, c'est l'intimité des hommes, l'intimité du groupe, les gens qui veulent savoir ce qui se passe en matière de sexualité, y compris à l'atelier, c'est l'intimité du voisin et du type qui dit « Ouais, il y a mon voisin, il boit ». C'est extraordinaire parce que c'est la révélation publique de l'intimité et des questions que les gens se posent. Par exemple, vous parliez de Cuba. Oui. Eh bien, Cuba, c'est l'intimité du type qui fabrique des pâtes et qui répond aussi au monde entier avec sa révolution. C'est ça, la puissance. Et vous savez, là, Lazarev s'inscrit dans une longue lignée qui est celle, déjà, du grand reportage du 19e siècle et qui va démarrer avec le début 20e. C'est, bien sûr, Albert Londres, Édouard Elsé, Gaston Leroux. La population en redemande. Les Français ont voulu avoir cette presse qui nous donnait à voir. Alors là, on en fait la géographie, mais c'est normal. En même temps, il y avait quand même quelques concessions à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'infospectacle. Moi, j'ai pris l'exemple frappant de Jackie Kennedy. C'est incroyable comment une femme aussi intelligente, aussi élégante, peut se payer la tête du reporter jusqu'à lui répondre pendant 20 minutes, ça n'en finit pas. Et elle ne dit rien, strictement rien. Et le but, manifestement, pour Cinq colonnes à la une, c'est d'avoir Jackie Kennedy, en vrai, si j'ose dire, sur l'écran français, même s'il dit rien. Hein, c'est déjà une petite... On ouvre une brèche, quand même. Bah, Saint-Col, ça aime le people, hein, monsieur. Eh ben oui. Et donc, c'est pour ça qu'ils se disent... Là, il y a un bon coup, mais je ferai remarquer que Lalou avait fait l'interview du mari et que c'était une exclusivité mondiale que d'avoir le président Kennedy. Mmh. Alors, allez savoir s'il n'y a pas eu marchandage sur cette affaire, mais ils étaient conscients, évidemment, de ce qu'ils faisaient. Et vous avez raison, il y a eu quand même quelques concessions, en particulier politiques. Ça n'était pas les super rebelles, évidemment. Mais à la fin, quand même, ils ont dit « ça va ». L'asphyxie, le taux d'emmerdement, pardon pour le mot, mais quotidien, y compris le fait de ne pas pouvoir aller filmer, les événements de 68 qui sont au coin de la rue alors qu'on fait des milliers de kilomètres, ouais. ça passe pas, on arrête. Et au passage d'ailleurs, ça nous rappelle que quand on est journaliste à Paris, on peut être grand reporter en banlieue. Hein. Mais le grand reportage, c'est pas une histoire de distance. Mais on va le dire naturellement, aux gens, par la personne la qu'on croise à l'entrée de cette maison. Nous allons écouter maintenant Pierre Lazareff, bah oui, qui parle de l'influence de Saint-Colomb, l'influence qu'elle a eue en France et dans le monde entier. Nous avons eu une grande joie, c'est que cette émission Saint-Colomb à la Une a, si j'ose dire, fait des petits. Elle a essaimé non seulement en France, mais à l'étranger. Au moment où Saint-Colomb à la Une est paru, aucun pays au monde n'avait d'émission de télévision, d'information comparable, de reportage comparable à Saint-Colomb à la Une. Beaucoup de gens, même des Américains, sont venus en France. Et nous sommes, moi-même, j'ai été dans de nombreux pays étrangers, mais coproducteurs aussi. Nous avons suscité des émissions avec lesquelles nous travaillons toujours, analogues à la nôtre. Et puis ensuite, à l'intérieur même de la télévision, il y a eu d'autres magazines de télévision, presque tous, faits par... des journalistes ou des réalisateurs qui avaient débuté la télévision à Saint-Colomb à la Une. En quoi, Hervé Bousigny, à votre avis, Saint-Colomb à la Une a-t-il fait souffler un vent de liberté sur la télé quand même? Est-ce que c'est justement, on avait pris l'exemple assez frappant de l'expérience ou LSD là, de témoins. Ça, c'est un truc dingue. Ça. C'est un truc de fou, mais c'est la philosophie de Saint-Colomb, c'est-à-dire... Je suis en direct, même si c'est totalement monté, enregistré et tout, dans la situation. Et donc, je la vis pleinement. Lazarev disait, moi, je veux faire quelque chose qui soit aussi fort dans sa puissance que l'événement. Eh bien, la technique de narration, la fabrication, c'est-à-dire... Vous avez entendu des groupes qui disent « Allez, venez, on va sauter avec lui ». Oui. Regardez les choses, ces injonctions-là... était une vraie promesse suivie d'une réalité. On avait l'impression d'y être. On était avec eux. Et donc, en plus, dans une unité de temps, de lieu et d'action, c'est-à-dire le nec plus ultra du dramatique, et donc, vous êtes là, absolument, dans le réel, vous êtes les témoins avec nous. Le journaliste, c'est votre pote qui tend la main aux gens, et grâce à lui, grâce à cette main tendue, vous découvrez le monde et votre atelier. Ben, le journaliste, viens voir, je vais te montrer un truc. Et oui, viens, j'en ai une bonne à te raconter. C'est une narration, ouais. C'est une histoire. Bien sûr. Alors, vous en parlez, vous avez en parlé à la fois avec nostalgie, comme si cette liberté-là, on l'avait perdue, et en même temps, au contraire, comme un héritage. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de cet héritage-là jusqu'à aujourd'hui dans les magazines d'information? Tiens, on va prendre le service public que vous connaissez si bien. Allez. Vous savez, on a recréé Envoyé spécial précisément pour raviver l'esprit de Saint-Colomb. D'ailleurs, au passage, on ne dit pas Saint-Colomb, on dit cinq colonnes à la Une. Et donc, c'est cette même philosophie. Mais il est évident que la décolonisation, le vécu de l'intimité au plus profond, cette immersion existe et là comme un trésor. Oui. Mais les choses se sont déplacées vers un autre terrain, à mes yeux, tout aussi important et tout aussi crucial, qui est l'enquête et l'investigation. Si vous voulez, aujourd'hui, la preuve de l'indépendance n'est pas seulement le fait de pouvoir parler de tel ou tel sujet. Mais apporter un élément. Exactement. Ou plusieurs. Ou plusieurs éléments, tant qu'à faire. Et surtout, démonter des choses dont je me doute, dont j'ai entendu parler, ou qui sont pour moi une révélation que tout pouvoir ne veut pas révéler le pouvoir financier, le pouvoir politique et cette affirmation puissante d'indépendance par le journalisme de service public. Et franchement, France Inter est plutôt bien placée en la matière. C'est pour moi ça l'héritage du questionnement actif, positif, agressif au bon sens du terme pour la démocratie, cet héritage de Saint-Colonne. Donc ça veut dire que Saint-Colonne, à la une, ne s'était pas donné l'objectif d'aller apporter une révélation, une information. C'était plus, on va témoigner, on va à l'intérieur de l'événement. On n'est pas obligé non plus d'apporter quelque chose, c'est ça. Parce que le temps a passé, et puis rappelons quand même les circonstances historiques que vous avez évoquées. Nous sommes en pleine période où le monde bascule, on est dans le monde de la décolonisation. Excusez du peu, mais vous avez parlé de l'Algérie, il y a Saint-Domingue, il y a le Congo, autant de moments où, en plus, au centre de cette capacité de voir en direct ce qui se passe, j'ai rendez-vous avec mon personnage que j'aime tant, qui est le reporter. C'est ce personnage qui est celui qui, encore une fois, mon guide. Et grâce à lui, je perçois les choses. Donc, déjà, voir, comprendre, grâce à lui, ce qui est les soubresauts du monde, le fracas du monde, c'est déjà énorme. Et c'est donc là que se crée la figure familière du grand reporter, probablement, avec Saint-Colonne à la une. Évidemment. On se fait un petit plaisir. Oui, pour terminer. On n'a que ça avec cette émission. Merci. On va écouter Brigitte Bardot, Carte libre, donc dans Saint-Colonne à la une, et elle parle d'une grande de ses passions, de ses préoccupations, la souffrance animale. Brigitte Bardot, des millions et des millions de téléspectateurs en cette seconde vous voient apparaître au centre de leur écran. Vous avez quelque chose à leur dire, de quoi s'agit-il ? Il s'agit des abattoirs, c'est-à-dire de la façon dont on tue les animaux encore à notre époque. C'est-à-dire que les méthodes d'abattage d'animaux n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge. Exactement. Qu'est-ce qui se passe comme au Moyen-Âge, Brigitte ? Les animaux sont égorgés. C'est-à-dire que les petits animaux, les veaux, les moutons et les chèvres, sont égorgés vivants. Ça dure quelquefois 3, 4 ou 5 minutes. Et pendant ces 3, 4 ou 5 minutes, la bête est vivante et souffre. Vous ne trouvez pas étrange que vous, Brigitte Bardot, vous occupiez de ces problèmes ? Je trouve surtout étrange que personne d'autre ne s'en occupe. Ah, la répartie, Brigitte Bardot. Et maintenant, le combat qu'elle a mené, beaucoup d'autres l'ont mené, mais trouve une réponse aujourd'hui. On est beaucoup plus vigilant sur la souffrance animale. Oui, on voit qu'on est en écho des grands problèmes de société d'aujourd'hui. Il reste 30 secondes, Hervé. Non, il reste rien. C'est fini. Bon, mais s'il reste 30 secondes, Hervé, juste une question. On a fait tellement de choses à la télé, tellement inventé de choses en info et d'émissions. Qu'est-ce qu'on peut inventer maintenant ? Compliqué, hein ? On peut inventer la conversation. C'est-à-dire le fait que les gens maintenant s'adressent à nous en temps réel et on leur répond, ils nous questionnent, on est à parité. C'est le directeur des services numériques. Non, qui oui, si, ben, oui, en même bien temps, sûr. Bah oui. C'est la révolution nouvelle qui change et transforme notre métier. Et ben maintenant c'est fini, ce sera le mot de la fin. Merci Hervé Brosilly. À vous. À moi. À vous Paris. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Saint-Colonne à la une, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Livre, référence, vos commentaires si ça vous dit. Bien sûr, merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.